Nerdine France cacaboum, votre politique je m'en bats les couilles. Arrêtez de faire péter vos bombes chez où. A toi mon frère des îles, salam alaikum. Révolte-toi contre l'arrogance de l'État. Après tout ce qu'ils nous ont fait dans le passé, se gêne pas pour mettre ça, c'est la de mer. Le nucléaire est mer sur les côtes polynésiennes. Et comme si la tristesse d'avoir connu l'esclavage ne suffisait pas, pour qu'ils nous mettent la noeud et tous des tarbas, sans foi ni loi. Politiciens qui se croient tout permis ici bas, c'est chaud. Ces narvalos se prennent pour des dieux sur terre et font régner le chaos. Dicté par Shaitan, la politique attise les flammes de l'enfer. C'est un jeu où le bien et le mal se confondent. Mioche mes démons, politicien qui te dicte tes solutions. Ta politique, je m'en bats les couilles. Écoute bien, je prends mes paroles de foutre la troupe. En tant que mec de Tessie, on fout le bordel. En tant que mec de Tessie, on fout le bordel. En tant que mec de Tessie, on fout le bordel. Bordel, bordel, on fout le bordel. En tant que mec de Tessie, on fout le bordel. J'tafle, crains, intercepte, achève, trip, ego, rodage, kilomètre. Objectif, avant le chiffre, l'attirance. Rien ne rentre, pas de dépense. En bref, quand t'attends, j'me classe. Trahi par la plupart, c'est type art, donc stop l'ennemi. Prison, le premier type, au droit d'accès, le mec de rue. Mais faut être violent, décrit, vocal, décharge, violence. Lyrique, ça fuit, comme une impra, découpe, le vence. Mission, suicide, et ben kilomètre. Bagarre sur l'instru, repelle, j'ai l'âme prête. Ma religion fait qu'une fois dans l'année, j'fais le jeûne. Refrais, copain qui est pur, tirer l'âme d'un jeune. Sous des héros, à chacun ses hommes demain. J'fais plus présent sous les halls qu'en mosquée. On fout le bordel, en tant que mec de Tessie. On fout le bordel, en tant que mec de. On fout le bordel, en tant que mec de Tessie. On fout le bordel, bordel, bordel. On fout le bordel, en tant que mec de Tessie. On fout le bordel, en tant que mec de. On fout le bordel, en tant que mec de Tessie. On fout le bordel, bordel, bordel. J'adore, les gens veulent me coller à tort. J'ai qu'un seul ami, et c'est mon mic. Imagine le Kanak, armé d'un tomahawk. Dans le rap, je ma part de toga avec un whisky coca. Et chaque jour dans la tête, je fais mon beefsteak. Fous la merde et le spell dans le Sofitel. Saint-Vincent plus vache dans mon Minitel. On a la taille babou, des rimes au kilomètre. Négro de salon, les dégaines de salon. Ça peut se tirer dessus pour un halon. Ça commence par le coin de l'œil, fini au coin de rue. Et si t'es fait comme un rat, ne joue pas au héros. Jadis, ils ont greffé des terres, on représente le rejet. La partie négative de leur projet. Comme l'autre sardine qui radine toujours sa carabine. Vu qu'il se péta comme David Carradine. D'autres se tatouent comme papillon. Puis home studio dans pavillon. Travaille la nuit comme des grillons. Babouche, plus qu'un mot au monde, une institution. Balance ce son quand tu tailles en mission. On rafale aux blagues d'or, ici aucun blague d'or. Un repère de cador, le freestyle que j'adore. Tu t'habilles en tailleur pour être sur un flyer. Rien à foutre, Aldor, va te faire. On fout le bordel, en tant que mec de Tessie. On fout le bordel, en tant que mec de Tessie. On fout le bordel, bordel, bordel. On fout le bordel, en tant que mec de Tessie. On fout le bordel, en tant que mec de. On fout le bordel, en tant que mec de Tessie. On fout le bordel, bordel, bordel. Qu'est-ce que j'ai vécu, est-ce que je vis encore? Mais les écus je vise encore. Dépressif c'est quoi? Pour les bises en or. Répressif décor pour les bises en toc. Agressif pour les pécores. J'y sens franc quand je me moque. Toc dynam pour la fastec. Bloc paname pour la pastèque. On mastique comme un mastoc. Pas qu'on mastique comme du plastoc. Trick fantastique. Pas de troc avec une tasse à qui croque. Ramasse tes clics, tes clashs, des blocs de whack. J'amasse du flic, faut que je fasse du fric ou je claque. Tu skick le mic comme au cric à la mac. Lubrique à la matraque pour les briques. Y'a pas track, y'a micmac. 9-4, face technique. Son bric à braque, ouais. Diplômé sans bac, clic de bic et black, diplômé de la bac. De corps, c'est ma force, et forcé d'être corsé. Direct dans le fion, ta clique, je nique, direction la clinique. On fout le bordel, en tant que mec de Tessie. On fout le bordel.